Pour un bon repas en famille ou seul, c'est au restaurant Midas qu'il faut aller. Menu adapté à tous les budgets, servi par un personnel courtois et affable. Le propriétaire, M. Danny Potvin, souhaite un franc succès aux organisateurs du triathlon de Saint-Félicien et un bon congé de la fête du travail à tous ses clients. Restaurant Midas, 1084 route 169, 418-679-0900. Une dernière, on a parlé avec Jean Gosselin, qui est un spécialiste de marketing sportif, où on parlait évidemment des Alouettes de Montréal. On sait que l'entrevue était faite avant la victoire des Alouettes contre les Argonauts de Toronto. Je demandais à M. Gosselin, comment on fait pour attirer des spectateurs quand on ne gagne pas? Donc, on écoute l'entrevue. On va parler des Alouettes sur l'aspect marketing. C'est très difficile pour les Alouettes sur le terrain. Évidemment, ça doit avoir une incidence certaine sur le marketing. Les Alouettes doivent sûrement avoir plus de difficultés à vendre des billets. On va en parler avec Jean Gosselin, qui est un spécialiste du marketing sportif et qu'on parle de temps à autre. Bonjour, M. Gosselin. Bonjour. M. Gosselin, ça doit être très difficile pour Patrick Boivin et toute son organisation quand tu as une fiche de une victoire et huit défaites, puis tu montes pas beaucoup de progression. Ça doit être quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment éviter le pire chez les Alouettes, là? Niveau marketing. Ben, je vous dirais qu'ils font déjà pas mal de bonnes choses. Évidemment, dans le sport, le meilleur marketing, c'est toujours en fonction, c'est toujours les résultats, c'est toujours la performance de l'équipe. Et ça, ben, peu importe ce qu'il y a autour, quand l'équipe gagne, quand l'équipe est populaire, ben, évidemment, ça aide à vendre des billets. On veut être là, on veut assister au prochain match. Quand on passe par des périodes difficiles comme les Alouettes, évidemment, il y a une certaine limite à ce que le marketing peut faire, parce que on cherche à vendre des billets pour un divertissement, parce qu'en bout de ligne, le sport professionnel, c'est du divertissement. Donc, si j'essaie de vous vendre des billets pour aller voir un chanteur ou une chanteuse plate qui fausse à toi deux notes, il y a peut-être des chances que vous ne soyez pas intéressé, que vous achetiez pas les billets. Je veux pas faire de mauvaise comparaison parce que je pense que les Alouettes ont quand même une base d'équipe, sont en reconstruction, c'est bien évident. Mais l'amateur, lui, doit se retourner vers autre chose pour avoir envie d'aller au match. Et souvent, ben, ça va passer beaucoup par l'ambiance. Au fond, on sait que le match sur le terrain est peut-être plus ou moins intéressant, mais si c'est plaisant, si c'est le fun d'aller voir un match, si on sait que y a des animations intéressantes, si c'est agréable de se promener dans le stade, si c'est une belle expérience, comme le dit le jargon du métier, ça vient un peu compenser. Et évidemment, ça ne remplace pas tout, à cet égard-là, les Alouettes ont quand même fait de bonnes choses depuis 2 ou 3 ans. Il y a des choses qui sont en place, ce qui fait que ça reste agréable. Vous savez, ce qui est important pour une équipe professionnelle, et c'est vrai pour toutes les entreprises, finalement, quel que soit le secteur, il y a ce qu'on appelle les points de contact avec le consommateur. C'est-à-dire à quel moment le consommateur, dans quelle situation le consommateur est en contact avec nous. C'est au service à la clientèle, au téléphone. Ouais. C'est sur le site Internet. C'est dans le cas d'un événement sportif, c'est comment ça se passe pour arriver au stade, comment on est accueilli au stade. Est-ce qu'il y a des activités intéressantes? Donc, c'est un peu tous ces points de contact-là qui font que, bon, oui, à la base, on sait que le match risque d'être difficile, mais au moins, on n'a pas l'impression de perdre complètement notre temps et on passe un bon moment. Okay. Et c'est sûr qu'à partir de là, ben, le bon moment, ben, si les joueurs contribuent, ben, la journée est encore plus agréable. Mais ils ont été chanceux pareil, parce que la superbe de belle été qu'on a eue, ça va les avoir aidés pareil, parce que c'est beaucoup plus agréable. Imaginez-vous, là, cet automne, si l'équipe ne se replace pas, aller des matchs au mois d'octobre, au mois de novembre, à Percival Molson, quand tu as une fiche de 2 victoires, mettons, 15 défaites, ça va être difficile. La superbe été qu'on a eue a aidé beaucoup aussi, là. Ben, assurément, parce que, et ça, c'est vrai que l'équipe gagne ou pas, le facteur météo, quand on est dans un stade extérieur, ça contribue pour beaucoup, et vous avez raison, ça prend des mordus pour aller assister à un match à la fin septembre, tout aussi intéressant peut être les à côté de ce qui se passe sur le terrain, il faut être un peu mordu, mais entre-temps, je pense que ce qui est important pour les Alouettes, c'est du point de vue marketing, c'est de continuer les efforts que ça soit, parce que les efforts qui sont faits aujourd'hui vont tantôt probablement rapporter, parce que si c'est déjà agréable, si c'est déjà facile d'acheter des billets, si c'est parce que les Alouettes sont parmi ceux qui ont les plus innovés, notamment dans la vente des billets sur les forfaits, par exemple. Okay. C'est plus facile d'acheter quelques billets, parce que, et ça, c'est une tendance nord-américaine dans le sport professionnel, la fameuse stratégie des... Dans le fond, c'était pas compliqué. Il y avait des billets de saison, il y avait des billets individuels. Mais la stratégie des billets de saison est de moins en moins brisée. Les gens ne souhaitent pas s'engager, même si c'est une saison relativement courte, comme la Ligue canadienne comparée au hockey, par exemple, mais les gens souhaitent pas s'engager pour une saison complète. Il y a beaucoup d'offres de divertissement, on veut faire autre chose, donc est-ce qu'on peut acheter deux ou trois matchs? Et est-ce qu'on peut choisir les deux ou trois matchs? Parce qu'à un certain moment, les équipes qui avaient commencé ça faisaient des forfaits pour des matchs, mais c'était les matchs les moins intéressants. Ouais. Donc, alors que là, bon, du côté des Alouettes, on a beaucoup innové de ce côté-là. On est très présent auprès de leur clientèle, que ce soit des détenteurs de billets de saison ou des acheteurs occasionnels. Il y a beaucoup de contacts qui se font avec eux. L'animation de leurs réseaux sociaux est relativement agréable. On ne fait pas parler... Remarquez, ils n'ont pas nécessairement le contenu qu'il faut, mais on ne fait pas que de parler de football. On met les joueurs dans d'autres situations. Donc, on garde le contact, et c'est ça qui est important, pour que lorsque la victoire, ou à tout le moins... l'espoir de victoire, parce que c'est un peu ça qui rend les choses difficiles avec les Alouettes. Ne pas avoir de victoire garantie, c'est une chose, mais d'avoir l'impression qu'on y arrive pas, d'avoir l'impression que il y a rien qui change, parce que c'est aussi ça l'intérêt dans le marketing sportif. Si on peut pas garantir des victoires, mais au moins donnez-nous l'espoir qu'il va se passer quelque chose. Puis ils ont joué de malchance à certains égards. Imaginez aujourd'hui si Johnny Manziel n'avait pas eu sa commotion cérébrale, il en serait à son troisième match, probablement encore plus aguerri à la maison. Donc ça aurait pu donner un autre espoir. On aurait pu relancer quelque chose, mais la malchance a joué, et ça aussi, ça a caractérisé le problème des Alouettes sur le terrain. Il y a eu des mauvaises décisions, décisions de gestion, mais en plus, il y a de la malchance qui se pointe, et disons que une commotion cérébrale, c'est jamais agréable pour un joueur, mais ça aurait pu arriver à un autre joueur que Johnny Manziel, et je pense que les gens du marketing secrètement auraient bien apprécié la chose. Parlons-en de Johnny Manziel. Jusqu'à quel point un joueur comme Manziel, parce que quand il est arrivé sur l'aspect sportif, on disait tous à quelque part, ils l'ont payé très très cher, mais on était tous contents parce que ça va faire parler des Alouettes, ça va redonner un intérêt aux Alouettes, mais jusqu'à quel point un carrière comme Manziel peut changer les choses au niveau combien il peut attirer de gens à lui seul? C'est difficile à dire. C'est ce qu'il fera sur le terrain, parce que la difficulté qu'on a, c'est le transfert vers la Ligue canadienne de football, qui est une autre sorte de football. Pour nous, les amateurs, ça se ressemble, bien qu'il y ait des différences évidentes. Mais pour les joueurs, c'est totalement une autre façon de jouer. C'est totalement une autre... Bon, les trois essais, le terrain plus grand, la verge entre les deux lignes, bon, etc., etc. Donc, comment il va s'adapter? On a vu plusieurs joueurs américains, quelques grands noms de la NFL ou à tout le moins du football universitaire, qui ont pas été capables de s'adapter à ce type de jeu-là. Donc, si Johnny Manziel s'adapte bien, si Johnny Manziel se met à faire la différence, parce qu'on a vu quelques quelques lueurs d'espoir dans les jeux qu'il fait. Les spécialistes, dont je ne suis pas, mais je les lis et je les écoute, nous disent il fait des choses sur le terrain. Déjà, il a fait des choses sur le terrain qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, si sa performance s'adapte bien au football canadien, et si effectivement ça permet aux Alouettes d'aligner sinon des victoires, à tout le moins quelques bonnes performances, quelques bons matchs, ben ça pourra faire la différence. La difficulté avec le football, c'est que le corps arrière est toujours le point central. C'est probablement l'un des rares sports où un joueur fait autant la différence. C'est rarement un joueur de ligne vedette ou rarement un receveur de passe vedette. Oui, ça peut arriver, mais celui qui retient toujours l'attention parce que tout simplement il est impliqué dans tous les jeux offensifs, ben, c'est lui qui va faire la différence. Donc, il y a beaucoup de pression sur le corps arrière. On le voit, les Alouettes ont connu au cours des dernières saisons. C'est la principale lacune des Alouettes au cours des dernières saisons. C'est-à-dire pas de stabilité au niveau du corps arrière. Quand dans un sport, ta vedette principale n'est jamais la même ou à peu près d'un match à l'autre, ça devient difficile de s'y... Alors que dans d'autres sports d'équipe, que ce soit le soccer ou le hockey, ben, y a plusieurs joueurs dans une équipe qui peuvent faire des étincelles, qui peuvent attirer l'attention et qui, tout en étant marquants, sont quand même pas laissés à eux-mêmes dans la diffusion de la qualité du match. En terminant, M. Gosselin, on voit ça dans la NFL, je pense que ça va faire boule de neige dans le sport professionnel. Les concessions alimentaires, les équipes dans la NFL sont en train de baisser de façon dramatique les prix dans les concessions alimentaires, la bière à 5$, le hot dog à 3$, et ainsi de suite. Est-ce que pour une organisation comme les Alouettes qui compte le sous, il faut quand même pas se compter d'histoire, c'est plus difficile, c'est pas la même affaire que la NFL du côté circuit, mais est-ce qu'on pourrait adopter une certaine stratégie qui irait dans ce sens-là, peut-être moins spectaculaire, mais ça pourrait être une stratégie de même aussi? Ben, ils l'ont déjà fait. Cette année, il y a des matchs, je pense que c'est la bière Budweiser qui est à 5$ pour les vendredis. Il y a déjà des choses qui sont faites à cet égard-là. Évidemment, en économie, il y a un principe qui s'appelle l'élasticité des prix. C'est-à-dire, quel est le montant qu'un consommateur est prêt à payer? J'ai comme l'impression que là, on se rend compte qu'on a probablement exagéré quelque part. Le balancier est peut-être en train de revenir, mais en même temps, tout est une question d'éléments, parce que je parlais tantôt des fameux points de contact. Ben, tout ça s'additionne quand on va assister à un match. Donc, si on a du plaisir à y aller et que l'équipe gagne et que ça va bien, peut-être que ça nous fait, ça nous dérange de payer aussi cher aux concessions alimentaires, mais somme toute, globalement, ça peut être intéressant. Quand ça va mal partout, puis qu'en plus, ça nous coûte cher pour prendre une bière et un dog, ben, là, ça devient plus pesant. Donc, il faut être vigilant parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a certaines limites. Et en même temps, ben, faut aussi rendre justice aux équipes parce que, en fond, les prix sont davantage déterminés par ceux qui opèrent les concessions alimentaires plutôt que l'équipe. L'équipe, elle, donne un contrat à quelqu'un. Évidemment, ce contrat-là est basé sur les revenus potentiels que le concessionnaire pourra faire. Mais les équipes, souvent, n'ont pas nécessairement beaucoup de marge de manœuvre sur les prix directement à tout le moins. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand le prix de la bière, le prix du hot dog devient des sujets de conversation, quand tu es assis dans le bureau du marketing, tu es obligé, si tu veux être sûr de pas avoir de problème, tu es obligé d'y porter une attention et de trouver des correctifs. Ah, moi, regarde, je suis allé l'an passé aux États-Unis, puis des bières à 12$, quand on fait la convertie d'argent, là, 12$ avec une bière en fût, là, ça commence à être dispendieux. Ben effectivement, et c'est ça à un moment donné qui fait que une expérience à assister à un match sportif, quel qu'il soit, ben tout ça rentre en ligne de compte. Est-ce que dans le fond, ça commence au moment où on décide d'acheter un billet, au moment où on embarque dans l'auto ou dans le transport en commun pour se rendre au stade. Si plus c'est agréable, ben plus les choses se digèrent plus facilement. Plus ça devient désagréable, ben, toutes les petites anicroches sont de plus en plus pesantes. OK. Ben, Jean Gosselin, très intéressant comme toujours. On se reparle un autre tantôt. Au plaisir, à bientôt. Jean Gosselin, spécialiste de marketing sportif.